j'en suis nulle part, je bouge grave et je me fais pas de mouron, c'est le seul. Plus mon amour pour le son n'est pas concurrencé. En l'occurrence, j'ai un bac tout queuse qui pour ne valait rien. La voix du peur a mal et bien, donc je veille à pas me faire distancer. Les conseils ricochent sur moi tellement que je reste sur place. Sournoise, la route est encore immense. Je traîne avec mes soucis d'homme, danse avec les loups, même dans ce fouillis, je donnerai toujours signe de vie dans l'ambulance. Jeune au cœur des doutes avec un potentiel étonnant. Sous un ciel grisonnant, j'ai pas les os en verre. Je m'envole à chaque courant d'air. Périmée France, potence et innocent. Car leur idiotie se passe de commentaires. Ma gueule, dis-moi comment faire pire. Tout en allant de l'avant, passer, dis-moi dans la mer. Fuir tout ça nonchalamment. On se prépare un bel avenir. Lancé dans la course, la tendance est à la hausse. Le 5 majeur en bourse est comme une terre d'asile. Le bruit de ma ville peut réduire une chorale au silence. Vu mes blessures en concert, j'ai donné mon corps à la science. Celle des mots, celle qui ôte l'envie d'être mort. Beaucoup sont nulle part, mais nul ne part sans les remords. Dans ma tête, je suis perdu dans la salle de l'esprit et du temps. J'erre comme une âme en peine ou comme une âme en quête de plan. On est tous jeunes et tous conscients que ça va pas durer. Un adulte frappe une pute devant l'impudeur de l'adultère. Moi, je veux pas être comme ça, je m'attache plus comme un couillon. Je veux pas te faire un dessin, j'ai la stature d'un homme brouillon. Je peux faire vivre et mourir les liens liquides de la tache d'encre. Mais pour ça, je dois troubler l'infini de la page blanche. Faut que je soigne les gestes, que je lâche du lest. Telle une montgolfière qui s'envole vers l'étoile céleste. Et méché, à deux doigts de bégère quand je fais la teuf. C'est péché, mais je peux pas m'empêcher de penser à Dieu. On a la foi et on la garde, coûte que coûte. Les doutes me troublent, tout se fout de cela si la foule se soulève. La trappe s'ouvre, couvre d'une foule de souvenirs. Rien ne sert de courir, juste détenir beaucoup de souplesse. Que le truc coule de source et poursuive son cours. S'ouvrir pour éviter de raccourcir le contour. Comme si ça consistait en pas grand chose. Nulle part se trouve plus tard, les histoires sont rarement drôles. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, comme métier. Eh ben... Yeah. Parlez pas de futur, j'en suis nulle part. Sans cesse dans la lune, faudra bouger vu la vite et sous les thunes partent. J'gratte quand ça vient, faire des plans, on verra plus tard. En attendant, j'fume grave et j'pense à rien. J'me dépense à bien faire ce que j'entreprends. J'recoule la plaie, j'continue la course tant que le bandage tient. Les chances de se vautrer sont, tu les attends loin. J'me méfie autant de mes sales maniques, des gens malsains. Et j'suis là, j'tiens. Marre de reculer, les feuilles noires s'y s'entassent et comment ça me rend plus. Mais je marche dans la fumée, j'essaie de pas faire de plan sur la durée. Pourtant, je me défends de passer là sans laisser de traces. J'en suis nulle part et le thème rembarge. Aucune idée du chemin sur lequel je m'engage. Mais j'aurai pas la tête basse quand faudra y aller pour de bon. Les bonnes choses, il est peut-être temps qu'on les prenne en pleine face. On veut pas faire partie des gars qui ont dit tais-toi et creuse. Le taf c'est mieux quoi, tu veux faire de l'art mon fils, t'es pas sérieux. Pas le choix, faudra redoubler de rue. La vertu cache la peine, on a le trac, je vois la roulette russe. Avec une arbalète, il faut les couilles de se lancer coups. Lève le gant, c'est l'heure, c'est comme une course. Les yeux bandés, tout ce qui est devant fait peur. C'est pour mes deux clans, mes braves. Tous les autres à qui je donne halte, je suis boosté au maximum. La chance tourne. Me tend ses bras, c'est le coup de clé de 37 à l'esgourde, papy. Mais c'est que les doutes, les plaies de mes couplets, même si à l'écoute ça glisse, les gouttes s'appliquent à m'esquiver depuis que je rappe vrai. Des boucles faciles, même si ça défrise de l'admettre. J'suis sous les demandes d'histoire, de ouf, j'me trouve seul. Entouré de tames qui jacquent toutes et de plein de mirages. Mais j'voudrais que l'inspi chasse le doute, j'te prouve qu'on a la foi et qu'on la garde coûte que coûte, c'est le principal. On a la foi et on la garde coûte que coûte, les doutes me troublent. Tout se fout de cela si la foule se soulève. La trappe s'ouvre, couvre d'une foule de souvenirs. Rien ne sert de courir, juste détenir beaucoup de souplesse. Que le truc coule de source et poursuive son cours. S'ouvrir pour éviter de raccourcir le contour. Comme si ça consistait en pas grand chose. Nulle part se trouve plus tard, les histoires sont rarement drôles.